pleine psychose collective autour de l'épidémie de coronavirus, les chauves-souris sont revenus sur le devant de la scène épidémiologique, étant accusés une nouvelle fois d'être le réservoir de ce virus qui a franchi la barrière des espèces après tant d'autres, le SRAS, mais aussi la fièvre hémorragique, Ebola, Marbourg et j'en passe. Les chauves-souris sont pourtant un maillage essentiel de la biodiversité, un groupe extrêmement diversifié et nombreux puisqu'elles représentent à elles seules un cinquième des mammifères du globe et sont aujourd'hui, comme tant d'autres, menacées par les activités humaines et la destruction de leur habitat. Chauve-souris, les ailes du virus, c'est le programme nocturne qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces animaux aussi indispensables que maudits par la culture populaire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Marmet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la coordination et de l'animation des activités de capture des chiroptères en France au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et Jean-François Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au CESCO, qui est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, également au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais avant de nous envoler dans la nuit, elle déploie ses ailes membranes sur l'actualité scientifique la plus récente, c'est Dracula Natacha Trio. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Allez, un peu de sérieux. On commence ce journal, Natacha, avec une étude parue dans la revue Science et la découverte du premier métissage entre d'anciennes populations humaines. Et les chercheurs de l'université de l'Utah aux États-Unis ont comparé des échantillons du génome européen moderne avec ceux des Denisoviens et des Néandertaliens. Cette analyse montre que les premières espèces humaines se sont croisées beaucoup plus que ce qu'on pensait. Alors, selon ces chercheurs, il y aurait un ancêtre commun à Denisova et Néandertal, une espèce que l'on n'a pas encore trouvée et qu'ils appellent les Néandertaliens. De plus, ces Néandertaliens se seraient croisés en Eurasie il y a 700 000 ans avec une population super archaïque. Un hominide éloigné, séparé des autres humains il y a environ 2 millions d'années. Selon ce nouvel arbre généalogique, il y aurait eu trois grandes vagues de migration humaine en Eurasie. Paul Verdu est chargé de recherche au CNRS, au Musée de l'Homme à Paris. Il est spécialiste en anthropologie biologique. C'est assez vertigineux comme article en fait. La première sortie d'Afrique de la lignée Homo date de bien avant l'émergence d'Homo sapiens. Elle date de plus d'un million d'années et c'est le fameux Homo erectus qui sort d'Afrique pour conquérir l'Eurasie. On pense que, alors c'est très compliqué de savoir qui exactement a donné naissance, mais Néandertal serait une évolution d'une lignée Homo erectus en Europe. De la même façon que Denisova serait une lignée descendante d'autres Homo erectus en Asie centrale. Donc ça, c'est la première vague vraiment ancestrale. Puis une autre vague, plus difficile à connaître, qu'on retrouve un peu partout en Europe de l'Ouest, et qui, elle, serait due à une autre migration, également de descendants d'Homo erectus africains, qui seraient de nouveau sortis d'Afrique pour également se balader un peu en Europe et donner naissance à d'autres populations hors d'Afrique. Enfin, beaucoup plus tard, il y a à peu près, 100 000 ans, Homo sapiens, qui lui est apparu indépendamment en Afrique, part à la conquête du reste du monde. En fait, ce que montre cette étude, c'est que toutes ces différentes vagues de migration ont donné naissance à des métissages entre les primo existants et les nouveaux arrivants. Donc, une autre vision de cette histoire évolutive humaine, où on imagine des lignées généalogiques bien claires, bien strictes, et vole complètement en éclats, encore une fois, j'ai envie de dire. L'histoire de l'évolution humaine est une histoire d'un gigantesque buisson dont nos gènes portent aujourd'hui la trace. Une petite trace, certes, mais une trace identifiable. Et comme chaque jour, vous y êtes habitué maintenant. Mais je vous le répète, malgré tout, vous pouvez retrouver le lien vers cette étude de Science, lien que nous vous postons comme chaque jour sur le fil Twitter de notre émission @laméthodefc et que vous pourrez retrouver tout à l'heure sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon l'Institut National d'Études Démographiques, en 2050, nous serons 9,7 milliards d'êtres humains. À ce jour, nous sommes plus de 7,7 milliards d'êtres humains. Selon les derniers chiffres de l'ONU, il faudra en compter environ 2 milliards de plus en 2050 et d'ici 2100, la population mondiale devrait atteindre les 10,9 milliards d'habitants. Bien que la croissance démographique ralentit un peu partout, le taux de mortalité continue, lui aussi, de baisser. À moins d'une catastrophe sans précédent, il n'y aura pas de baisse de la population mondiale à l'horizon de 2050. Selon deux prépublications parues sur le site Archive, lors de la formation de notre système solaire, une planète aurait pu nous être volée par un autre système solaire. Et selon cette équipe américaine, les théories de formation des systèmes solaires sont incomplètes. Les systèmes solaires se forment à l'intérieur d'amas d'étoiles et lorsque des étoiles voisines se rencontrent, cela peut détruire, éjecter ou même absorber des planètes. Selon leur simulation informatique, ce phénomène peut se produire une fois tous les milliards d'années, ce qui, à l'échelle de l'univers, est assez fréquent. Notre système solaire s'est lui aussi formé au milieu de 2000 autres étoiles et lors de ses premières années de formation, une planète aurait pu lui être arrachée ou au contraire, peut-être que notre Soleil aurait dérobé une planète à un autre système. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Science à nouveau, le bourdon a une mémoire tactile. C'est comme lorsque nous touchons un objet dans le noir, nous sommes capables de l'identifier. Une équipe australo-britannique a mené plusieurs expériences avec une quarantaine de bourdons. Plongés dans une pièce obscure, les insectes sont capables de reconnaître les petites fioles qui contiennent de l'eau sucrée selon leur forme, sphérique ou cubique. Utiliser plusieurs sens pour identifier son environnement, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance intermodale. Peu d'espèces sont dotées de cette complexité cognitive. Les bourdons rejoignent donc les primates, les rats, les dauphins et certains poissons. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain. Vous pouvez retrouver le journal des sciences tous les jours sur franceculture.fr ainsi qu'en podcast via l'application de Radio France ou votre application préférée. Les chauves-souris sont de retour, donc bien malgré elles, sous le feu des projecteurs, tenues responsables d'être à l'origine de l'épidémie de coronavirus Covid-19, la psychose, allant jusqu'à attribuer l'émergence de cette maladie à la consommation de soupe de chauves-souris dans les marchés aux animaux de Wuhan. Je vous laisse écouter. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en ligne concernant ce coronavirus chinois et plusieurs origines possibles sont évoquées. Souche échappée d'un laboratoire secret de Wuhan ou un désinfectant toxique aussi, j'ai lu, qu'aurait été utilisé à Shanghai. Beaucoup d'intox, en effet. Ma préférée, la soupe à la chauve-souris. Bon appétit. Regardez cette vidéo, elle a été vue près de 4 millions de fois. Arrêtez, c'est dégoûtant. Ah ouais, c'est un peu dégoûtant, mais c'est une spécialité culinaire dont les Chinois raffolent, nous dit-on. Non, c'est pas Batman qui se fait un petit jacuzzi, c'est bien un plat qui se mange. Je me demandais si on mangeait aussi la chauve-souris ou si elle était là comme une feuille de laurier. Non, non, on la mange, ça s'appelle une chauve-souris croquante. J'ai enquêté, vous en doutez, et j'ai trouvé cette vidéo. Ouais, ouais, ça se croque. Regardez, Maggie, elle mange sa chauve-souris. Elle grillée, un mets à raffinement dont on n'a pas l'idée. Oui, voilà. Oui, bon, on va pas manger. On mange bien des grenouilles et des escargots. Donc, c'est ça. Arrêtons de faire des chochottes. Bon, c'est pas très appétissant, mais est-ce que c'est la cause de ce virus? Ah bah, il y a les journaux britanniques, genre le Daily Mirror, qui en sont déjà persuadés. Ils en font leur gros titre. L'info est ultra reprise en ligne. Le Daily Star parle même de cette soupe potentiellement létale. Pourtant, rien n'est moins sûr. Oui, la chauve-souris, c'est un nid à virus, au moins 60, on le sait. Oui, c'est très sale. Et en 2002, ce sont bien des civettes qui étaient à l'origine du Stras. Mais rien pour ce virus-là ne le prouve. Elle a beaucoup de lieux communs dans toutes ces déclarations. Et puis le Daily Mirror et le Daily Star, rappelons que ce sont quand même des tabloïds et pas des journaux, avec une référence scientifique très très solide. Mais néanmoins, peut-être une réaction. Ces pauvres chauves-souris, elles sont souvent pointées du doigt, victimes d'une mauvaise image, mais qui est une mauvaise image qui remonte à très très loin, qui est une image de marque. La chauve-souris dans la culture populaire, c'est jamais quelque chose de très très positif. Jean-François Julien. Oui, alors c'est sans doute parce qu'elles sont nocturnes. Bon, elles ont un aspect, l'aspect des ailes aussi doit paraître vraiment, les doigts sont très apparents. La gueule, les dents, elles sont généralement menaçantes quand on les capture, elles ouvrent la gueule, elles sont un peu menaçantes, voilà. Bon, c'est pas le cas de toutes les cultures, c'est pas le cas de la Chine d'ailleurs, ça, paradoxalement, c'est un porte-bonheur en Chine. Il y a au moins une ville en Europe, Valence, sur les armes de laquelle figure une chauve-souris, bon, c'est lié à une légende au moment de la reconquête de l'Espagne. Donc voilà, tout n'est pas complètement négatif. Ce que j'ajouterais aussi à propos de la soupe de chauve-souris, c'est qu'on risque pas d'attraper des virus comme ça, mais on a une collègue qui a inspecté le microbiome de la chauve-souris et le microbiome de gens qui consommaient des chauves-souris boucanées, donc pas vraiment cuites. Et là, elle a retrouvé quand même dans la bouche de ceux qui venaient de manger de la chauve-souris pas mal de bactéries. Les virus sont inactivés par la cuisson ou le boucanage, voilà. Oui, Julie Marmet. Oui, donc les chauves-souris, elles ont mauvaise réputation en général. Comme disait Jean-François, c'est aussi principalement parce que c'est des animaux nocturnes. Les gens n'aiment pas les animaux nocturnes. Et il y a aussi ce mythe de la chauve-souris qui se prend dans les cheveux. Ça, on l'entend tout le temps. Ouais. Et d'après ce qu'on dit, c'est une rumeur qui était faite pour les femmes, pour que les femmes ne circulent pas la nuit. Comme c'était les femmes qui avaient les cheveux longs. Bon ben voilà, donc finalement la chauve-souris, vous ne risquez pas de vous faire attraper ou tirer les cheveux par les chauves-souris si vous sortez de nuit. Peut-être un mot pour dire qu'effectivement si la soupe à la chauve-souris relève donc, alors peut-être d'une pratique, mais en tout cas aujourd'hui vu d'Occident, plus du fantasme d'une réalité sur nos territoires en l'occurrence. Sur nos territoires d'outre-mer, non, c'est un plat qui est très consommé en Nouvelle-Calédonie et qui menace la survie, surtout sur les îles plus que sur la Grande Terre, qui menacent la survie d'une espèce en Nouvelle-Calédonie. Et comment, peut-être qu'on peut préciser, en tout cas aujourd'hui, que effectivement, et on va en reparler tout à l'heure, le fait que les chauves-souris soient des réservoirs viraux, c'est certain, et on va en parler. Néanmoins, jusqu'à preuve du contraire pour le moment, il n'y a pas de transmission directe entre la chauve-souris et l'homme. Il y a toujours, pour le moment, des réservoirs intermédiaires, Jean-François Julien. Alors ça dépend des virus. Pour le coronavirus, on n'a aucune évidence, mais on a quand même. Alors pour Ebola, c'est pas clair, pas très clair, c'est possible. Et là, on a des exemples. C'est pour la famille des lysavirus, qui en fait comprennent le virus de la rage et d'autres formes de rage ou maladies très proches. Là, on a beaucoup, beaucoup d'exemples de transmission directe aussi bien à l'homme d'ailleurs qu'au bétail. Voilà. Là, il y a vraiment sans aucun intermédiaire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons à 16h15 des chauves-souris tout au long de cette heure en compagnie de Julie Marmet et de Jean-François Julien. Alors on va repartir de l'origine. Déjà pour rappeler, comme je le disais tout à l'heure Julie Marmet dans l'introduction, que c'est un groupe immense les chauves-souris. Ce serait jusqu'à un mammifère sur cinq à l'échelle du globe. Oui, il y a 1400 espèces de chauves-souris dans le monde qui sont réparties partout, sauf dans les globes. Ça représente, alors, les nombres évoluent, les chiffres évoluent, mais c'est à peu près un quart des mammifères en nombre d'espèces. Un quart. Un quart. Un cinquième. Voilà. Entre les deux, me fait signe Jean-François Julien. Un quart, un cinquième à la louche, évidemment, c'est très difficile de le quantifier, mais en tout cas, ça donne la proportion, qui est une proportion plus importante, par exemple, que les rongeurs. Non, les rongeurs sont au-dessus. Il y a plus de rongeurs que de chauves-souris. C'est le deuxième groupe en termes de nombre d'espèces qui arrive. C'est moi qui me souviens de l'échelle dans pour le mauvais sens. Okay. Voilà. Mais effectivement, c'est une diversité remarquable. Il y a une diversité de morphes, une diversité de couleurs, une diversité d'écologie, de comportement et de régime alimentaire qui est assez exceptionnel dans ce groupe. Au niveau régime alimentaire, vous pouvez avoir des frugivores, des nectarivores, des insectivores et même des hématophages et des carnivores. Donc hématophages, des chauves-souris qui se nourrissent de sang. Donc. Deux espèces sur 1400. Alors il y en a trois. Exactement. Deux qu'on connaît un petit peu mieux, les Desmodus. Donc c'est des chauves-souris qu'on trouve en Amérique sud de l'Amérique du Nord, et Amérique centrale et Amérique du Sud. Et c'est des espèces qui se nourrissent principalement sur le bétail. Et qui se portent assez bien, puisque vu que le bétail se porte bien, les chauves-souris vampires se portent bien. Ce qui contribue certainement aussi à la légende et à cette image un peu sombre de la chauve-souris. Peut-être si on remonte, Jean-François Julien, phylogénétiquement, comment... parce que les chauves-souris sont les seuls mammifères qui ont acquis le vol battu. D'où ça remonte, en fait? Est-ce qu'on sait les rattacher dans un arbre phylogénétique? Et est-ce qu'on sait comment sont apparues ces caractéristiques? Alors... Oui et non, on sait les rattacher. L'arbre des mammifères, je pense que maintenant il est à peu près stable, il a été beaucoup remanié. Donc les chauves-souris se trouvent quelque part alors entre les carnivores, donc lesquels on va trouver les canidés, les ursidés, etc. Et les ongulés, qui sont... les ongulés, ça regroupe je sais pas, des vaches, des chevaux, des porcs, des rhinocéros, mais aussi les baleines et les dauphins. Hein. C'est un phylum qui est un peu particulier. Voilà, un peu particulier. Donc elle se situe dans cette branche-là de l'arbre, sur une branche assez éloignée de celle où se situent les primates. Nous, les primates sont plutôt un groupe frère des rongeurs. Le plus proche des rongeurs, on en reparlera peut-être à propos des franchissements d'espèces pour le virus. Donc voilà. Après, alors, les chauves-souris, on a un problème quand on veut retracer leur histoire, c'est qu'elles se fossilisent assez mal. Donc on a très très peu de fossiles. Donc le fossile le plus ancien qu'on a doit dater d'à peu près 55 millions d'années. Oui. Et c'est déjà une chauve-souris. Très dérivée, comme on dit en phylogénie, très différenciée, pas très très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça, très proche des modèles, des espèces qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et après, on n'a plus rien. Bon, c'est toujours le problème. En fait, on parlait tout à l'heure, oui, à propos de l'homme, de buissons évolutifs. Ça a dû être pareil pour les chiroptères. Il y a eu vraiment une radiation très très rapide. Donc, on a très peu, sur un laps de temps assez court, ce qui fait qu'on a très peu de fossiles. Donc voilà. Alors après, avec d'autres méthodes, mais qui sont très différentes, en comparant les séquences des espèces actuelles et en les comparant à leurs plus proches voisins, on peut essayer de dater en utilisant ce qu'on appelle une horloge moléculaire, qui est une horloge extrêmement difficile à régler. Il y a beaucoup de façons de la régler qui ne donnent pas toutes le même résultat. Bon, ça situerait l'ancêtre commun de toutes les chauves-souris vers 65 millions d'années. Et alors, ce qu'on peut dater aussi, mais là, du point de vue morphologique... 65 millions d'années, c'est la dernière extinction. C'est Crétacé. Ben voilà, mais il y a beaucoup de groupes comme ça qui ont explosé. C'est la diversification des mammifères et à chaque fois, ça a été très rapide. On n'a pas de. C'est ce que Darwin appelait à propos des plantes un abominable mystère. Donc. Alors après, bon, le dernier ancêtre commun entre la chauve-souris, mettons les autres groupes, les ongulés, c'est 80 millions d'années. Donc avant là. Mais ça ne ressemblait pas au moment où les deux branches se sont séparées. L'ancêtre ne ressemblait forcément pas à une chauve-souris. Julie Marmet, est-ce qu'on a une idée de l'acquisition, du développement de ce vol battu? Parce que en préparant l'émission, j'entendais une archive qui datait des années 60 et qui comparait finalement l'apparition du vol battu chez les chauves-souris à une autre forme de vol, mais qui est le vol plané chez les écureuils et chez les rongeurs qui ont ces espèces de membranes qui leur permettent de planer, en disant que finalement c'était deux formes d'acquisition différentes d'une espèce de vol, en tout cas pour éviter de retoucher le sol entre deux arbres. Alors, ça reste un mystère, hein, comment on est arrivé à une chauve-souris. Comme disait Jean-François, les anciens fossiles dont on dispose, c'est des animaux qui ont déjà toutes les caractéristiques d'une chauve-souris et donc qui présentent des ailes. Donc on ne sait pas exactement comment le vol est apparu. La plus grosse hypothèse, enfin l'hypothèse la plus probable, c'est que effectivement l'ancêtre des chauves-souris serait un mammifère volant, enfin un mammifère arboricole qui pratiquait du vol plané, mais on ne sait pas exactement comment est apparu le vol actif. On peut peut-être préciser que la structure des ailes de la chauve-souris est très différente de la structure des ailes des oiseaux, Jean-François Julien. Ah oui, ça n'a rien à voir. Il s'agit toujours du membre antérieur. C'est même un exemple classique, hein, en évolution. Ça se ressemble. Il y a une évolution très vaguement parallèle, mais c'est pas du tout homologue. Une aile ne descend pas de l'autre. Alors, ce qui les caractérise, bon, déjà, c'est que la surface portante est formée de peau et pas de plumes, et que ce qui sous-tend les armatures, les nervures, en l'occurrence, chez les chauves-souris, sont principalement les doigts, les phalanges des doigts. Donc ça leur donne un énorme avantage au point de vue manœuvrabilité, parce que les oiseaux peuvent contrôler plus ou moins l'orientation de leurs plumes, mais bon, elles sont plantées dans l'aile, peuvent pas les courber, etc. Alors que les chauves-souris ont des possibilités énormes à ce niveau-là, ce qui leur permet, bon, les colibris le font aussi, mais ce sont un peu les seuls, de faire du vol sur place, de la marche arrière, de monter le long d'un mur comme ça à la verticale, comme un hélicoptère, si on veut. Voilà. Donc, en revanche, elles sont pas aussi performantes au niveau vol plané, vitesse de pointe. Là, les oiseaux les battent largement. J'ai lu que le vol des chauves-souris était en tout cas plus optimisé en termes d'énergie et de consommation d'énergie que le vol des oiseaux. Marmet. Oui, donc les chauves-souris, comme disait Jean-François, l'aile est composée des doigts avec des articulations, des phalanges hypertrophiées. Donc en termes de manœuvrabilité, elles ont plus de manœuvrabilité que les oiseaux puisqu'elles ont la possibilité de vraiment bouger leurs ailes dans tous les sens. Et elles utilisent même leurs ailes pour chasser. Donc pour les insectivores, les chauves-souris qui chassent les insectes, en vol, elles peuvent s'aider de leurs ailes pour attraper la proie et l'amener jusqu'à la gueule. Et en termes de thermodynamie, les chauves-souris, elles diffusent beaucoup de chaleur, notamment par le patagium, donc cette membrane à l'air qu'elles ont. Et donc cette membrane leur permet d'évacuer toute la chaleur et de pouvoir... parce qu'en fait, elles produisent beaucoup de chaleur au vol. Et c'est une des hypothèses de pourquoi les chauves-souris ont occupé cette niche nocturne par rapport aux oiseaux qui sont plutôt diurnes. Donc elles n'ont pas du tout, en termes de compétition alimentaire par exemple, déjà, elles sont plutôt à chasser les insectes la nuit. Mais c'est aussi parce que la journée, il ferait trop chaud pour les chauves-souris pour thermoréguler, et notamment avec les ailes. Voilà. C'est la membrane, ouais, des ailes. Peut-être, je disais tout à l'heure, on est passé peut-être un peu vite sur la phylogénétique. Aujourd'hui, il y a deux sous-ordres principaux des chauves-souris. Est-ce qu'on peut parler un peu de la répartition? Parce que effectivement, il y a quand même d'énormes différences entre les grandes chauves-souris frugivores et les petites chauves-souris insectivores. Enfin, est-ce que tout ça est aussi clair dans l'arbre phylogénétique, ou Jean-François, Julien? Très bien. Oui, c'est justement ces énormes. Je vais laisser parler Julie. Ça. Donc en fait, il y avait... Julien, mais je vous en prie. Oui, merci. Donc il y avait deux sous-groupes jusqu'à récemment. On parlait de deux sous-groupes qui séparaient les 20 familles. Donc on parlait des micro-chiroptères qui rassemblaient la plupart des familles et dont les principales caractéristiques, c'était notamment le fait qu'elles pratiquent l'écolocation et en grande partie qu'on pensait qu'elles étaient insectivores quand la classification était faite. Et puis de l'autre côté, les méga-chiroptères qui représentaient une seule famille avec ce qu'on appelle plus communément les roussettes ou les renards volants. Voilà. Mais cela, en fait, c'est pas si simple que ça, d'un point de vue phylogénétique. Et la classification, elle a évolué assez récemment avec la phylogénie moléculaire. Et il existe toujours deux clades, mais qu'on appelle maintenant les ptéropodiformes et les vespertilioniformes. On dit aussi les yin pterochiroptera, oui, ou les yang pterochiroptera, mais c'est plus dur à dire. Je le confirme. Voilà. Voilà, la répartition des familles a évolué au sein de ces deux groupes et on ne s'appuie plus sur de simples critères morphologiques. Et donc, il y a maintenant des espèces qui pratiquent l'écolocation dans ce groupe qu'on appelait avant les méga-chiroptères. Parce qu'il y a tout de même des traits morphologiques qui sont extrêmement distincts en fonction du type d'alimentation. On a effectivement toutes les petites chauves-souris qui disposent d'écolocation, qui ont en général, pour caricaturer, je vais vous laisser évidemment préciser ce schéma-là, mais qui ont des très grandes oreilles, des tout petits yeux et en général un nez bouche qui leur permet justement de diffuser ces signaux d'ultrasons. Et puis il y a les frugivores ou les grandes qu'on appelle les renards volants, c'est-à-dire avec des grands nez, des grands yeux, des plus petites oreilles et qui ne se ressemblent tout de même pas du tout. Voilà, mais c'est justement ça c'est la classification à l'emporte-pièce, hein, donc je vous laisse. Voilà, ce qu'on peut appeler de façon pédante la classification phénétique, c'est-à-dire on se base sur les ressemblances. Bon, et ça a été quand même il y a une époque où il y avait deux écoles qui étaient presque en guerre d'ailleurs entre ce type de classification et celle qui voulait s'attacher vraiment à ce que la classification reflète l'histoire, la phylogénie. Donc, je parlais tout à l'heure, ça tombe très bien, des baleines qui sont finalement très proches des vaches, alors que franchement, les baleines sont plus proches des vaches que le rhinocéros. Donc, si vous regardez les ressemblances, il y en a plus entre une vache et un rhinocéros qu'entre une vache et une baleine. Chez les chauves-souris, c'est un peu la même chose. Pendant très longtemps, on avait ce groupe de chauves-souris plutôt plus grosses, ne faisant pas d'écolocation. Et puis, quand on a commencé, alors là, c'était vraiment l'analyse, les comparaisons de séquences ADN, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et que peut-être, on y reviendra peut-être, l'écolocation a été inventée, est apparue deux fois chez les chiroptères. Et ben on va justement en reparler, mais après avoir écouté, parce qu'évidemment on a envie d'entendre ces cris des chauves-souris et ces différents cris, parce qu'il y a l'écolocation, vous allez entendre pour se repérer, mais les chauves-souris chantent aussi. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au CESCO, justement, au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez la chance d'assister à des concerts de chiroptères. Tout à fait, oui. Dans ce laboratoire, il n'y a pas de spécimens, mais des expériences sur la dimension acoustique et écologique des chauves-souris. Alors en France, on compte environ 34 espèces différentes. J'ai retrouvé Yves Bach, qui est chercheur au muséum et qui analyse les populations par l'écoute de leurs cris et de leurs chants. C'est ce qu'on appelle l'écho-acoustique. La méthode consiste à baliser un terrain clé, d'y placer des micros capables de mesurer les ultrasons à des endroits stratégiques et de laisser enregistrer des nuits entières au dépouillage des rushs et surtout en dilatant le son pour le rendre audible. À plus basse fréquence, il peut alors identifier des cris spécifiques et surtout les associer à des comportements types et parfois même à découvrir de nouvelles espèces. En fait, on propose des protocoles à des participants. Le protocole qui se développe le plus récemment, c'est le protocole dit point fixe, où ils ont des enregistreurs autonomes qui vont déposer à un endroit donné et qui vont enregistrer au minimum une nuit complète et éventuellement plusieurs nuits d'affilée. Et ils récupèrent le dispositif et ils envoient les données. Et ça permet d'avoir une couverture spatiale assez grande, en fait, et de maximiser la détection des chauves-souris. Alors, qu'est-ce qu'on enregistre exactement ? On sait que les chauves-souris émettent des sons à travers leur nez ou leur gueule. Ouais, c'est ça. L'essentiel de ce qu'on enregistre, c'est ce qu'on appelle les cris d'écolocation ou de sonar. La chauve-souris, si on schématise, elle va crier à peu près une fois à chaque battement d'aile. Donc, 5, 10, 15 fois par seconde. Des cris très rapides. Voilà, c'est ça. C'est des cris qui durent quelques millisecondes, qui vont lui permettre de s'orienter, de détecter les obstacles, les congénères, les proies. Ça fonctionne comme un sonore. Enfin, ouais, elle fonctionne, pardon, comme un écho sonore pour déterminer le profil de l'environnement et pouvoir se guider. C'est ça. Non seulement se guider comme un aveugle avec sa canne, mais en plus détecter des proies, donc vraiment capacité à détecter des échos très faibles de proies qui font parfois quelques millimètres seulement. Ouais, on est dans l'ultrason entre 10 kilos et 120 000 kHz. Ouais. Donc pour nous inaudible, mais c'est des enregistrements qui permettent de capter ces sons-là. C'est ça. Donc ça nécessite une certaine technologie. Il faut pouvoir numériser à haute vitesse pour avoir ces ondes qui sont très très courtes. Donc voilà, JKiro est né en 2006 parce que à cette période-là, on a commencé à pouvoir enregistrer les ultrasons pour un prix raisonnable et donc du coup la possibilité de développer un programme participatif en utilisant des dispositifs qui enregistrent avec 4, 5 ou 6 micros en simultané, donc dans un endroit donné, écarté de 1 mètre ou 5 mètres, ça dépend. Et ça permet, par les décalages de temps d'arrivée de chaque cri sur chaque micro, de déduire la position de l'individu. Donc à chaque fois qu'il crie, et comme il crie 5, 10 ou 15 fois par seconde, on peut avoir des trajectoires de vol assez, voire très précises. Donc là, on a deux façons d'analyser le son. On a une représentation graphique qui est un spectrogramme, c'est-à-dire c'est un peu comme une partition de musique. On a l'axe des temps en ordonnée à l'horizontale et l'axe des fréquences en verticale. Et donc on voit apparaître les pics d'énergie sur ce graphique. C'est vraiment la base de l'analyse acoustique. L'analyse informatique se base sur les mêmes informations, c'est-à-dire une matrice qui sert à produire ce même graphique, en expansion de temps x10. C'est pas le son tel qu'on entendrait dans la nature, c'est un son qui a été ralenti pour que ce soit audible, oui. Ouais, c'est ça. En fait, là, en l'occurrence, si je repasse la bande, on va avoir deux types de cris. Donc ça, c'est un cri d'écolocation. Le cri social, il est un peu faible, je vais le repasser ici. C'est quelle espèce qu'on écoute, là ? Là, il y a une noctule et une pipistrelle. Elles sont deux ? Ouais, là, elles passent en même temps. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et on peut le voir sur les patterns du graphe, non ? Ouais, c'est ça. Donc, là, il y a des fréquences différentes. Il y a un cri à 20 kHz qui est un cri social, la pipistrelle. Il y a un cri à 55 kHz qui est un cri d'écolocation, le sonar de la pipistrelle. Et on a un cri vers 25-30 kHz qui est un sonar, un cri d'écolocation de la noctule. Donc là, on entend les trois en même temps. Le cri social, c'est celui qui était en plusieurs notes, donc qui a plus de complexité. Souvent, les cris d'écolocation, par contre, c'est des simples notes, des tioups, où il y a une petite modulation de fréquence. Et sinon, pour se repérer, ils sont toujours très courts, donc il y a un petit peu de modulation de fréquence, c'est-à-dire que la fréquence varie un petit peu suivant que la chauve-souris est plutôt en milieu ouvert, en milieu fermé, donc moins en milieu ouvert, un peu plus en milieu fermé. Mais c'est toujours très simple, alors que les signaux sociaux, il y a plus d'informations à coder, donc il y a souvent une structure complexe, plusieurs notes, un peu comme des chants d'oiseaux. Hein. Ça, c'est la noctule. Ce qui est intéressant, c'est qu'on croirait à l'oreille humaine que ce sont des oiseaux qui chantent. Ouais, bah c'est un peu ça, effectivement. parce que les fréquences, on est à peu de choses près, vraiment 10 fois au-dessus des fréquences utilisées par les passereaux. C'est-à-dire que la chauve-souris, elle, dans son cerveau, elle a cette représentation sonore. Donc on peut supposer que pour elle, c'est un chant mélodieux. Ouais. Ce qui, nous, à notre oreille, paraît strident c'est et possible, inaudible. C'est possible, ouais. On peut tout à fait imaginer que certains cris sociaux, comme les trilles de pipistrelles, aient une fonction assez similaire au chant d'oiseau. Notamment, c'est fortement suspecté qu'il y a de l'attraction mâle-femelle via ces cris-là. Est-ce que de cette manière-là, vous avez pu découvrir des nouvelles espèces en découvrant des signaux particuliers qui se superposaient aux autres signaux déjà caractérisés? Alors, ce qui se passe, c'est que par exemple, la pipistrelle qu'on entend, bon, peut-être pas très bien, un petit peu quand même sur les notes aiguës, c'est très aigu, tip-tip. Ça, cette espèce-là, elle est morphologiquement très proche de la pipistrelle commune, qui est une espèce très abondante en Europe. Et on a suspecté que c'était une espèce différente seulement au moment où on a enregistré son sonore, parce qu'il était très décalé par rapport à la pipistrelle commune, qui est 10 kHz plus bas. Donc cette espèce-là est pourtant assez abondante dans beaucoup d'endroits en Europe, autour de la Méditerranée ou dans le nord de l'Europe, et elle a été décrite qu'en 1995, donc très récemment. Et donc c'est l'exemple le plus frappant de l'apport de l'acoustique pour découvrir des espèces qu'on dit cryptiques, c'est-à-dire qui sont difficiles à trouver, qui peuvent passer inaperçues. Voilà ce petit concert ravissant et tout à fait agréable de chiroptères sur France Culture à 16h30. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ces travaux sur l'écolocation, aux chants sociaux aussi des chauves-souris. Qui veut répondre, Jean-François Julien? C'est difficile de réagir dans la mesure où je participe à ces travaux aussi. Donc, je pense que Yves l'a expliqué pas mal de choses. Ce qu'on peut peut-être noter, c'est que les chauves-souris sont plutôt difficiles à étudier. Elles sont nocturnes, elles ont souvent des gîtes pas très accessibles. Mais elles ont un avantage pour les chercheurs, c'est justement d'émettre continuellement des sons. Et c'est ce qu'on met à profit, là, je pense qu'on a bien compris, qui nous permet de les suivre, de les identifier. Ça a été rendu possible, comme le disait Yves, surtout depuis 10-15 ans, où on a pu disposer de matériel suffisamment compact, suffisamment bon marché aussi, pour généraliser ces études. Julie Marmet. Oui, donc ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que tout ça s'est rendu possible grâce à la mobilisation d'un réseau de bénévoles qui participent à ce programme Vigikiro, qui nous permet d'avancer sur la récolte de données. C'est des gens volontaires. Donc Vigikiro, c'est un programme de sciences participatives au sein d'un programme plus large qui s'appelle Viginature, qui est porté aussi par notre unité en partie. Et tous ces bénévoles, voilà, participent à la récolte de données sur le terrain et font avancer la science, en fait. Là, on peut vous remettre d'ailleurs, Dieu sait que nous avons et nous faisons dès que possible la promotion justement de ces sciences participatives. On avait consacré une émission entière à ce sujet. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Peut-être un mot pour dire finalement, donc l'écolocation, on peut en reparler, mais avant cela, on entend effectivement qu'il y a aussi donc des chants sociaux, des vocalises sociales à la manière des oiseaux. Ça fait longtemps qu'on sait que les chauves-souris ont aussi ces vocalises sociales et qu'elles n'utilisent pas le son juste pour se localiser dans l'espace? Je pense que oui, ça a pas dû, à vrai dire, je saurais pas vous donner une date, mais ça a pas dû suivre de très très loin la découverte de l'écolocation. La découverte de l'écolocation remonte, c'est juste avant la guerre, en 1938. Je pense qu'assez vite, au maximum dans les années 60, on s'en est rendu compte. Bon, on avait moins de possibilités d'analyser les sons, mais... Donc voilà. Après, alors, c'est encore, en particulier en Europe finalement, on a accumulé énormément de données sur l'écolocation au sens strict. Les émissions dites sociales de communication, on les connaît beaucoup moins bien. On n'a pas établi le répertoire de chaque espèce, en partie d'ailleurs parce qu'il est, il est considérable, hein. Je pense que pour les espèces européennes, on doit avoir de l'ordre d'une vingtaine de signaux différents par espèce, donc qui veulent dire... Bon, qui peuvent être des signaux, donc des chants. Alors les plus compliqués sont quand même les chants qu'émettent les mâles, un peu comme les oiseaux. Mais il y a aussi des cris d'agressivité. Il y a tout le vocabulaire, alors qu'on connaît encore moins bien de communication entre les mères et les jeunes. Voilà. Le cas le plus développé qu'on connaisse, qui a été le mieux étudié, c'est chez une souris frugivore, la roussette d'Égypte, là où une équipe de Tel Aviv a déterminé 75 signaux de communication différents. Donc en dépouillant des bandes vidéo, ils ont pu les associer à différentes situations. Donc voilà, il y a effectivement encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir là-dedans. L'écolocation, en revanche, Julien Marmet, a été relativement bien étudiée. Aujourd'hui, on sait exactement comment ça fonctionne au niveau physiologique, morphologique. Et comme le disait Jean-François Julien tout à l'heure, on est sûr que c'est apparu deux fois dans l'évolution de façon séparée. C'est établi, ça ? Oui, c'est établi. Je pense que Jean-François l'expliquera mieux que moi. Je ne vais pas laisser Julie se compromettre. En plus, parce que... c'est qu'on sait qu'elle, pour les chauves-souris qui émettent en écolocation, qu'elles émettent par le larynx et que ça sort de différentes façons selon les espèces, soit par la bouche. Donc on voit des fois quand on prend des chauves-souris en photo, en vol, elles ont la gueule ouverte, elles sont en train d'émettre des ultrasons. Et il y a d'autres espèces, notamment le rhinolof, les rhinolophes ou les oreillards qui sortent les sons par le nez, donc par les narines ou par une feuille nasale, notamment pour les rhinolophes. Donc voilà, ça c'est les petites particularités. Jean-François Julien, sur cette question de la double apparition. Alors je vais peut-être revenir sur, une fois de plus, des problèmes d'évolution, de la manière dont on peut appréhender comme ça les différences entre les espèces. L'écolocation, c'est quelque chose qui est fascinant, qui paraît très qui a atteint un niveau de sophistication assez élevé chez les chauves-souris. Donc, l'instinct, on pense que ça peut pas apparaître facilement, ça ne peut pas apparaître souvent. Donc, l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est une règle fondamentale en phylogénie, ce serait de supposer que c'est apparu une fois. Donc, on connaît des chauves-souris qui ne font pas d'écolocation, qui sont dans le même groupe, donc on l'a dit tout à l'heure, que les chauves-souris qui font de l'écolocation. Donc, le plus parcimonieux de se dire, c'est apparu une fois, ça a été perdu par les frugivores, et ça a subsisté dans les deux autres groupes. Bon, là, il y a suffisamment de différences entre les systèmes d'écolocation qu'on observe actuellement, donc dans ces deux grands sous-ordres de chauves-souris, pour penser que ça aurait pu aussi apparaître deux fois. Et l'écolocation, en fait, c'est pas comme le vol battu, c'est apparu dans pas mal de fois chez les vertébrés, dans des groupes très différents, chez des oiseaux, chez d'autres mammifères, avec d'autres systèmes, voilà. Donc finalement, on s'est rendu compte que les hommes, les non-voyants, en faisaient inconsciemment, même l'utilisaient inconsciemment. Donc moi, mais il y a vraiment deux écoles. J'aurais plutôt tendance à penser que ça est parfaitement possible, et peut-être plus parcimonieux de penser que c'est apparu deux fois. Ce qui est intéressant, alors il faut qu'on avance un peu dans notre programme, mais ce qui est intéressant tout de même, c'est de comprendre que l'écolocation, par exemple, est très très gourmande en énergie, donc que les chauves-souris ne les utilisent pas systématiquement sur certains trajets, d'ailleurs c'est ce qui vous permet de les attraper, sur certains trajets très familiers, ils l'utilisent beaucoup moins, et que finalement c'est un ensemble de systèmes de guidage, et que ce n'est pas le seul, Julie Marmet. Oui, elles ont d'autres sens. Les chauves-souris, elles ont la vue. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. En anglais, on dit « blind as a bat », et donc c'est faux. Les chauves-souris voient, elles ont même une vue qui est développée pour voir assez bien la nuit. Et donc, évidemment, selon les espèces, elles vont pas le développer de la même manière, mais elles utilisent la vue, et notamment... l'écolocation, c'est principalement pour la chasse et pour se déplacer sur des grandes lignes et faire du transit, comme on dit. Mais elle l'utilise pas tout le temps. Et c'est vrai que quand on veut capturer des chauves-souris, donc les espèces sont toutes protégées, je le rappelle, on peut pas capturer les chauves-souris comme ça, il faut une dérogation préfectorale. Mais quand on veut monter nos études et on a à faire de la capture de chauves-souris, on pose des filets, comme c'est le cas aussi pour les oiseaux. Et logiquement, elles vont venir se prendre dans les filets. Mais on remarque aussi, il y a des études qui le prouvent, qu'il y a de l'évitement des filets parce qu'elles les perçoivent, elles c'est les ça. Voient. Voilà. Certaines espèces perçoivent même des filets. J'ai noté d'un fil de 0,1 mm de diamètre à 10 mètres de distance. Oui, elles peuvent vraiment... On le voit en fait, elles ont un comportement d'évitement. Et même des espèces qui ont une très bonne manœuvrabilité, donc notamment les rhinolophes, qui arrivent à exploiter les petits trous dans les filets que la chauve-souris d'avant a grignoté quelques fils et a fait un trou. Et là, on voit, en fait, elle se met à niveau et hop, elle passe dans le trou. Donc, elles ont une très bonne perception de leur milieu. Oh, I got a live one here. keep busting. Difficile d'échapper à la bad dance de Prince quand on parle des chauves-souris tout au long de cette heure en compagnie de Judy Marmet, qui est responsable de la coordination et de l'animation des activités de capture des chiroptères en France au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Jean-François Julien, chargé de recherche CNRS au CESCO, qui est le Centre d'écologie et des sciences de la conversation, La conversation, c'est celle que nous menons en ce moment, et c'est également au MNHN. Alors, on va rentrer un peu dans l'intimité des chauves-souris maintenant qu'on a fait connaissance avec elles, et notamment quelques-uns de leurs particularismes, à commencer, avant de parler de ce réservoir viral dont on a tant entendu parler à la suite de cette épidémie de coronavirus, à commencer par un autre trait qui est un trait intéressant et assez mystérieux, celui de leur extrême longévité. Qui veut m'en dire un mot? Peut-être préciser que chez les mammifères, en général, effectivement, la longévité est corrélée à la taille. Plus l'animal est gros, plus il vit longtemps. Si on met l'être humain à part, qui est un peu à part dans cette classe-là, la chauve-souris, elle, va complètement à l'encontre de cette règle. Julie Marmet, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, alors en général, c'est vrai que chez les mammifères, plus on est gros, plus on vit longtemps. Mais là, chez les chauves-souris, elles sortent complètement du lot. Elles vivent longtemps et pourtant ce sont des petits mammifères. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus petite chauve-souris, elle pèse 2 grammes. C'est une chauve-souris thaïlandaise, qu'on appelle chauve-souris bourdon. Et la plus grosse chauve-souris, elle va peser 1,5 kg, donc c'est assez petit pour un mammifère. Par contre, elle va faire 1,70 m d'envergure. Voilà. Cette longévité, elle est quand même variable selon les espèces. Et ce qui est assez étonnant chez les chauves-souris, c'est sans rapport avec la taille des espèces. Vous avez par exemple la noctule commune, qui est une espèce qui vit que quelques années en France, et à côté de ça, le grand murin, qui a fait à peu près la même taille que la noctule commune, pardon, et qui va avoir une longévité bien plus importante. C'est-à-dire jusqu'à 40 d'années? Alors oui, on peut avoir des records comme ça. Donc les records, on les a grâce à des programmes de bagage des chauves-souris. Donc pendant un moment, notamment dans les années 50, il y a eu un programme mené par le muséum qui visait à baguer les chauves-souris pour les recapturer. On pensait que toutes les chauves-souris étaient migratrices, ce qui n'est pas le cas. Et on les baguait un peu à tout venant, comme ça, quand on capturait des chauves-souris. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des chauves-souris qui vivaient très très longtemps. Alors, on a des records de bagues, de relecture de bagues, notamment, donc pas grâce à ce programme-là, mais sur un autre programme de bagage en Europe, pour un murin de Brandt de 41 ans. Après, on peut toujours remettre en question ces données parce que ça peut être des erreurs de relecture de bagues. On ne sait jamais trop comment ça se passe. Mais c'est très fréquent dans la littérature de retrouver des données de longévité de 30, 40 ans pour des chauves-souris de toute petite taille. Le murin de Brandt, ça fait une dizaine de grammes, même, ouais, 8 grammes. Donc voilà, cette longévité, elle est quand même assez étonnante. Par contre, quand on parle d'espérance de vie pour des animaux dans la nature, là, tout de suite, on réduit le chiffre. C'est pas la même chose. Bien sûr. Est plus pour les espèces, notamment par exemple les pipistrelles communes, on est plus sur 4-5 ans d'espérance de vie. Jean-François Julien, peut-être un mot néanmoins sur cette longévité effectivement assez surprenante. Une étude assez récente qui date de juin 2019 dans Nature, Ecology and Evolution, qui a apporté quelques éléments de réponse, qui a fait quelques tests justement sur cette question à proprement parler de la longévité. Oui, alors c'est une question qui est très étudiée. D'ailleurs, on peut peut-être le préciser, elle est étudiée sur le terrain en France par une équipe irlandaise et avec vraiment la collaboration très active et très efficace de bénévoles, d'associations locales, donc en Bretagne Sud, l'équipe de Dématiling à Dublin, qui a, alors je me rappelle plus exactement quel papier parle de quoi. Je pense que les résultats les plus importants ont trait à la préservation, au maintien des extrémités des chromosomes, les télomères, qui se débobinent un peu, qui se raccourcissent pendant le vieillissement chez la plupart des mammifères. Et là, chez les chauves-souris, chez deux espèces, le grand murin et le grand rhinolophe, on constate que ce n'est pas le cas. Et l'équipe de Matiling a pu relier ça à l'activité d'enzymes de dégradation, de réparation. Mmh. Ce qui est intéressant, pour revenir encore sur cette histoire des deux sous-ordres de chauve-souris, c'est que ce sont deux espèces appartenant aux deux sous-ordres différents qui ont été étudiées, et les mécanismes ne sont apparemment pas les mêmes. Donc là, on a vraiment l'impression d'une pression de sélection en faveur d'une grande longévité, mais qui a emprunté des voies différentes pour arriver voilà, à ce prolonger, résultat. Pour réduire la sélection. Alors l'autre chose aussi en dynamique, quand on regarde juste la dynamique des populations qui est assez fréquente, c'est que la mortalité n'augmente pas beaucoup avec l'âge. Contrairement à l'espèce humaine, elle est à peu près constante. Donc finalement, ces records de longévité, c'est vraiment ce qu'on appelle une queue de distribution statistiquement. Bon, il y a des mortalités accidentelles, maladies, voilà. C'est vraiment... C'est l'étude à laquelle je faisais référence de Nature Ecology Evolution, justement, est une étude sur le transcriptome et qui montait qu'effectivement, à l'inverse d'autres systèmes chez les mammifères, que les voies métaboliques associées justement à la réparation de l'ADN, donc voilà, au télomère, mais également à l'immunité et à l'autophagie, à la façon dont... Ouais. Les cellules peuvent se recycler et être nouvelles. Eh bien, tout ça, il n'y a pas de sénescence en fait de ces systèmes chez la chauve-souris. Ouais. C'est vraiment mauvais. Julie Marmet, peut-être un mot à ce sujet-là. Pas particulièrement. Alors on va passer. Alors outre et puis j'ai lu aussi par ailleurs autre chose intéressante, que il y a quasiment pas de carcinogénèse chez la chauve-souris, qu'on trouve très peu de chauve-souris avec des cancers. Oui, comme le râteau, le râteau pnu, un autre mammifère qui bat des records de longévité par rapport à sa taille. Alors on va parler de l'autre question qui a agité beaucoup les médias et les scientifiques ces dernières semaines, c'est celui de la faculté des chauves-souris à être d'importants réservoirs viraux. Là aussi, alors d'une, est-ce que c'est vrai de toutes les espèces, puisqu'on sait qu'il y a quand même énormément d'espèces chez les chauves-souris, 1400, mais est-ce qu'on comprend un peu la réalité de ce bouillon de culture intérieure que représentent les chiroptères? Voilà, alors on a des lueurs, bon, il y a 1400 espèces, donc... On ne le connaît évidemment pas pour toutes. Dire que c'est vrai pour aucune. Mmh. Bon, mais pour commencer, oui, d'une façon générale, la quantité et la variété de virus qu'abrite une espèce donnée est assez bien corrélée, pas mal liée à l'important... Bon, on n'a pas encore dit ça, les chauves-souris sont toutes grégaires, même sociales à plus niveau. Elles forment des regroupements. Et cette capacité donc à abriter beaucoup de virus, elle est corrélée souvent à la taille moyenne des colonies, voire même dans une même espèce, les plus grosses colonies abritent une plus grande variété de virus. Bon, maintenant... Ce qui veut dire le grégarisme implique du coup la transmission extrêmement rapide, extrêmement facile entre individus. C'est peut-être intéressant de prendre les choses dans l'autre sens finalement. La question... Ce dont on a l'impression, ce qu'on a vérifié d'ailleurs justement en analysant toutes ces corrélations, c'est que l'accumulation, le maintien d'un très grand nombre de pathogènes est une conséquence directe de cette grégarité, du fait, pour simplifier, il y a encore beaucoup d'autres facteurs. Voilà. Donc la question, elle est souvent posée dans ce sens-là, d'ailleurs même au niveau moléculaire, c'est de toute façon les chauves-souris sont presque destinés avec ce mode de vie-là à devenir des réservoirs à virus. À moins, ce qu'on a longtemps supposé, d'avoir des défenses très très fortes, d'éliminer, de détruire les virus. Bon, là, on sait que c'est pas le cas. Donc après, la question qui se pose et les pistes qu'on explore, c'est de savoir comment elles tolèrent cette grosse charge virale diversifiée. Et pourquoi elles ne l'expriment pas, en fait? C'est surtout la question. Pourquoi elles ne sont pas malades? Pourquoi est-ce qu'elles ne développent pas? Et là, on a quelques éléments de réponse. Alors voilà, il y a des éléments. Tout ça a été évidemment très, très stimulé par la découverte l'émergence des coronavirus, depuis le premier SARS-1, le MERS-CoV, et puis le dernier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va certainement pas pouvoir toutes les aborder là. La principale, la plus saillante, c'est qu'elles ont elles réagissent assez faiblement. Elles vont pas développer, par exemple, d'inflammations qui sont souvent la conséquence. L'infection par le virus va déclencher tout un tas de systèmes de destruction, de protection, voilà, qu'on connaît tous. Les cytokines, des rougeurs, des œdèmes, etc. Donc ça, elles ne le déclenchent pas. Et justement, cette inflammation, souvent, dans pas mal de maladies, bon, chez l'homme en particulier, elle va un peu au-delà. C'est un peu une surréaction à l'infection. Et elle devient elle-même plus pathogène, même plus létale que les dégâts directs que fait le virus. Donc, les chauves-souris, je vais peut-être résumer la situation la plus simple. C'est très souvent médié par une première molécule qui a à la fois une action antivirale et puis qui sert de signalisation qui déclenche ces phénomènes. Donc, on appelle l'interféron alpha. Cet interféron alpha, en général, chez un mammifère normal, chez l'homme, il n'est quasiment pas exprimé tant qu'il n'y a pas d'attaque virale. En cas d'attaque virale, il y a vraiment un démarrage, une expression et un pic extrêmement important de cet interféron alpha. Pic d'expression qui va déclencher les réactions inflammatoires, un peu les symptômes qu'on a quand on a une grippe et qu'ont expérimenté certainement. C'est aussi un médicament qui a été beaucoup prescrit pour l'hépatite C, pour contrôler. Bon, quand on prend ce médicament, on se retrouve vraiment avec les symptômes d'une grippe. C'est vraiment assez dur. Voilà. Donc, chez les chauves-souris, c'est assez curieux. Chez la plupart, il y a des variations, on le sait déjà, entre les espèces, mais cet interféron alpha, il est exprimé à faible dose, à bas bruit, tout le temps, de façon inconditionnelle. Et quand elles sont infectées par un virus, elles en expriment simplement un peu plus. Ça suffit. Bon, ça et d'autres choses, ça aide à contenir le virus. Et surtout, elles ne font pas ces réactions qui peuvent être très, très débilitantes et voire létales. Donc ça, c'est le mécanisme moléculaire essentiel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elles sont dans une sorte d'état inflammatoire à bas bruit, mais qui ne s'exprime pas véritablement sur l'ensemble. On pourrait parler, je pense qu'on peut même parler de ça dans beaucoup de cas. C'est une sorte de conflit, de guerre de basse intensité. Et chacun reste sur ses positions. Il y a de toute façon, bon, ce genre de situation où une espèce est un réservoir pour un pathogène, toujours une sorte de paix armée, de compromis. C'est-à-dire que le pathogène peut quand même avoir un effet relativement nocif, mais contraint, on arrive à un équilibre. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est un processus, une stratégie évolutive relativement stable qui apparaît très souvent chez les parasites, c'est que finalement, un virus n'a pas intérêt, entre guillemets, ne perdurera pas très longtemps s'il tue très brusquement l'essentiel de la population de ses hôtes. C'est un peu la politique de la terre brûlée, il va se retrouver sans rien. Donc on l'observe pour beaucoup de parasites, donc beaucoup de taxons, il y a cette espèce d'équilibre qui est finalement la seule stratégie durable à long terme. C'est ça. C'est-à-dire finalement l'incubation contre la létalité, si la létalité est très élevée, le virus disparaît très vite. Très souvent en biologie, c'est une affaire de trade-off, comme disent les Anglais. Voilà. Après, il y a énormément, on peut nuancer. Il y a une autre stratégie qui vaut peut-être la peine d'être... Enfin, une autre stratégie, je parle comme si les virus avaient des stratégies planifiées. Bien sûr. Là, tout ça, c'est le résultat de pression de sélection, d'antagonisme entre le virus et son hôte, etc., etc. Il y a une autre stratégie qui a l'air de s'être développée avec certains virus de la rage, qui consiste finalement à ne rendre malade, voire ne tuer qu'une petite partie de la population. Alors ça, des virus qui ont une durée d'incubation assez longue, ça fonctionne assez bien. On va tuer quelques chauves-souris, en infecter d'autres. Certaines vont même s'immuniser parce qu'elles auront des contacts relativement limités, elles vont recevoir de faibles doses de virus, elles seront en quelque sorte vaccinées. Et donc le virus, finalement, en passant comme ça d'individu en individu, arrive à se maintenir à bas bruit et son hôte, dont il a besoin, survit. Et encore d'autres stratégies qui sont très importantes dans le cas des virus de chauve-souris, qui consistent aussi à sauter d'une espèce à une autre. Parce qu'on s'est rendu compte, bon, toujours avec un virus là, de la famille de la rage, en l'occurrence aux îles Baléares, qu'on avait une population, là c'était une population d'essentiellement trois espèces de chauves-souris, qui constituait globalement, vu par un homme, un réservoir. Mais à l'intérieur de cet assemblage de chauves-souris, on avait une des espèces qui était un peu le sur-réservoir des deux autres, et le virus tournait comme ça. Julie Marmet, un mot à ce propos sur cette notion de réservoir. Alors, c'est des réservoirs, mais elles peuvent aussi présenter elles-mêmes des épizooties. On a un cas qui est malheureux en France et en Espagne. Donc, c'est le cas du Myniopterre de Schreber, qui est une espèce qui vit en vraiment très, très gros essaim. Une espèce qui aime plutôt les grottes. Et elle a eu une épizootie en 2002. Et ça a divisé par deux les populations de cette espèce-là. Et elles en ont vraiment beaucoup souffert. Elles remontent vraiment tout doucement. Et il s'avère que c'est probablement un filovirus qui a décimé cette population. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et justement, parce qu'il y a eu très peu de réactivité quand on trouvait les individus morts dans les grottes. On ne savait pas trop quoi en faire. Il n'y avait pas de suivi vraiment de surveillance de ces animaux pour pouvoir après faire des études dessus, malheureusement. Et justement, puisqu'on parle de la survie et et de la protection de ces espèces. J'ai lu, selon un dernier rapport, que la France aurait perdu un tiers de ses populations de chauves-souris. Alors on dit qu'en même temps, il y a beaucoup d'espèces, qu'il y a beaucoup d'individus. Malgré tout, aujourd'hui, les chauves-souris sont globalement, alors c'est difficile de parler pour 1400 espèces, mais globalement menacées. Oui, alors ce que... Jean-François Julien. Voilà, ce que vous avez lu, ça sort de chez nous. En fait, de ce fameux suivi acoustique dont Yves Bach, qu'on a entendu tout à l'heure, est vraiment la cheville ouvrière et celui qui a fait l'essentiel des calculs. Donc effectivement, sur une dizaine d'années, sur un ensemble d'espèces, hein, on a observé une diminution. Alors nous, il faut préciser qu'on mesure une activité finalement, en enregistrant les ultrasons. On a fait le postulat qu'on a quand même vérifié, même s'il était un peu trivial, que le niveau de l'activité était proportionnel aux effectifs des populations, qu'on ne connaît pas du tout en valeur absolue d'ailleurs. Donc on a observé une baisse globale de 30% de l'activité des chauves-souris. Donc quand on détaille espèce par espèce, certaines ont beaucoup souffert. La noctule commune, dont on a déjà parlé, a baissé sans doute entre 70 et 80%, ce qui est considérable. Vraiment considérable. Normalement, ça devrait mener à une extinction de l'espèce en France dans pas très très longtemps. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a observé. Nous, on échantillonne, alors là, on n'a pas eu le temps de le dire non plus, il y a peut-être un peu deux grandes stratégies de chasse chez les chauves-souris. Il y en a qu'on appelle les glaneuses, qui chassent au ras du sol, qui émettent pas très fort. Dans notre programme de suivi acoustique, on échantillonne essentiellement celles qu'on pourrait appeler de haut vol, qui chassent un peu celles qu'on voit le plus souvent à la façon des hirondelles ou des martinets. Donc là, on a vraiment... des déclins. Là, depuis les dernières années, on observe même quasiment que des déclins. On a eu une espèce méridionale qui a été un moment en augmentation, peut-être à cause du réchauffement climatique. Voilà. À côté de ça, on a d'autres espèces, alors qui sont, celles qu'on appelle les glaneuses, sont très souvent cavernicoles et on peut les compter plus facilement. Alors là, une par une, en particulier pendant l'hibernation, quand elles dorment au plafond des grottes. Donc celles-là sont suivies aussi. Là, il y a eu une récapitulation de fait, ça date de 2015. On a des espèces dont on sait de façon imprécise qu'elles s'étaient effondrées jusqu'à la fin des années 70, qui ont remonté et qui ont continué de remonter. Donc là, paradoxalement, il y a certaines espèces qui ont doublé leurs effectifs depuis 20 ans. Qui sont des espèces insectivores ? Alors ce sont des insectivores qui ne chassent pas de la même façon et qui sont sans doute effondrés très très bas à cause des insecticides organochlorés qui remonteraient maintenant. Parce qu'on imagine qu'il y a une corrélation, puisqu'on a parlé beaucoup de la chute des populations d'insectes en Europe, voilà. Avec l'étude en Allemagne qui montre 80% de chute des insectes, disparition voilà. En 30 ans. On imagine que si les insectes disparaissent, les chauves-souris derrière doivent... Alors voilà, ça c'est pas tout à fait sûr. Bon, les insectes, si, mais c'est effectivement un peu étonnant. Elles ne déclinent pas, bon, à part la noctule commune, mais c'est peut-être pour d'autres raisons, elles ne déclinent pas dans la même proportion que les insectes. Donc là, le lien entre les deux, dans quelle mesure la disponibilité en insectes est supérieure peut-être aux ressources dont elles ont besoin, ce qui est un temps de latence, c'est... Un dernier mot pour conclure, Julie Marmel. Oui, alors on a parlé beaucoup des chauves-souris, mais on pourrait parler aussi des gens qui travaillent sur les chauves-souris, parce que c'est un réseau très très important en France, enfin je dis très important, mais en tout cas très actif. Il y a plus de 500 personnes qui se mobilisent pour la protection des chauves-souris, et ça va être des associations de protection de la nature, des collectivités, des bureaux d'études, et surtout beaucoup de bénévoles. Et c'est grâce à eux qu'on arrive aujourd'hui à avoir des données pour travailler sur l'amélioration des connaissances et pour avoir ce genre de tendance et savoir un petit peu comment mettre en place des mesures de protection. Et pour la science participative autour des chauves-souris, vous allez nous donner les contacts, on peut mettre les liens sur le fil Twitter si les gens veulent nous retrouver. Vous pouvez aussi aller voir la Société française pour l'étude et la protection des mammifères qui est en train de monter un observatoire des mammifères avec un volet chauves-souris. Et ben on va mettre tout ça sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux, merci Julie Marmet, merci Jean-François Julien d'être venu nous parler des chauves-souris. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'est Olivier Bétard à la réalisation et Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Et demain, eh bien, si tout a un début, tout a aussi une fin. Si tout commence par le Big Bang, comment l'univers va-t-il terminer? Plusieurs scénarios sont envisagés, du Big Freeze au Big Crunch, en passant par le Big Bounce. Quoi qu'il en soit, ça va être Big demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.